L'empereur Tchatchombala Kashoggi, 27 ans d'expérience à Diamant. Tirbon à Luanda, Fulgence Kenzo, Dodo Feye, Ayatollah Mandela, Etienne Sapi. On dit pour tout business, ça c'est Wenge référence. Anga Selina, Nayano Lile Loyo, Nanzembo Yo, Boyokanga. Giscard Lubamba. Azaba, fonctionnaire, Yaleta Oyanga Babotio. Ma commune arrêtée à bas salaire 14 mois. Ben quotidien à Bissot et commune en gomme au boulot. Bissot pebana, ton catalité l'eau. Koyo passio. Oh oh. Oudalwa dada. Azaba fonctionnaire. Y'a l'état où y'a un ababotio. Ma commune arrêtée à bas salaire 14 mois. Ben quotidien à Bissot et commune en gomme au boulot. Marco Bangouli l'industriel. Honorable Olivier Kamitatu, Gordon Claude Bolieni, Justin Lita, Excellence Marcelin Chichambo, CG Vital Kamere et moi dans Zambé, Papa Niboko, Papa Théophile Bemba. Téma Kito, Rako, Zamba Pesananga, Mibalio Balanda Kanga, Iba Komio Pesa Kanga Mbongo, surtout Oya Mondele, Asombeli Nga Ilo Pango. Na komio tangi sa kole isa kola ti sa baleki peli bota mobima tozonga ni lisanga. Président Moïse Katumbi, champion du social. Mokile konana na nazali danger public. Mokile konana na nazali infidèle. Posa nanga ite pasele kaki na famille. Baleki bakoma ki kolo kota bikedi na parking. Ma poussière a mis sinali bongo et andolo. Ma belle a coche encore maladie à Sanyonzala. Président, c'est que moi dit, quand dans Kobila, il y en a des vivants. Moi qui l'ai condamné, ma nazali danger public. Moi qui l'ai condamné, ma nazali infidèle. Pour ça, nanga il t'est passé les kaki na famille. Bale qui va comme qui colo kota bikedi na parking. Ma poussière a mis sinali bongo et andolo. Ma bela koso kor maladie a sonyonzala. Yami Ignas Moleka wapichopis. Bato ya mokili na sengi bino parato. Soki bolimbisi nzambepe akolimbi sangai. Osa nangai tezala kinzo keta d'urgence. Monganga tiambeli no kite na kokatwa. Famille Mobimba, Elinga Kiko Sila, Sokinga Ite. Simon Passi, Saxe Tampa. Après tout, ma Selina, Nazali, Mwana Mwasio. Nasengeli Kobala, Lokora Basi Banso. La plus belle des aspirations, d'une fille, c'est le mariage. Malobaya Bakolo, Tchetembe Souka, Yokomona. Zambali misangana masumu nyoso ngana salaki. Dede Mupasa na Lubumbashi atila na Mushinda. Mibalie bobanganga teo. Ngai Selina na sila kobongwana. Na yamba Yesu na koma ekela muyasika. Na shanja pe kombo sere dabita Dorcas. Elika na ngai na swali bala ya bosembo. Mona nini ngai te zambe yokela ngai mawa. Na ningi kobota lokola nazali pe moto. Na boyi babenganga etula tope ekomba. Sonio na miswa bato sonio. Papa Samba, Excellence Arimova Sakani. Mibalie bobanganga teo. Ngai Selina na sila kobongwa nango bandeko. Boya, boya, boya, boya, boya, John Misitu, Sampengo Bay, dans l'ac. Maître Adri, motomètre. Souci pas. Masikini La mère Tchéboué, l'homme qui mérite sa place Aussi mon ami à Mustapha Elle est bonne Djunga Iji Frank, Richard Tabala, Kassiope, King Makialie Excellence Diominongala Papa François Olenga, Libiz Lengo Cardozo, Mwamba, Bilkette, Monibe Production Boyo Kirumba L'ambassadeur Fonte Singa, le supérieur Gaïta Mwanakasala Evie Kinzala, le tenant du titre Rami Amissi Nani Dende, Real de Madrid Nemo Kanta, Switzerland Serge Kanta, Gams, V12 Angel Mouswahili Nadia Baleke Lina Makamba Tete Boimbo Les grands cascadeurs, Madame Poupou. A Kourou Yassetoué, président Bima Mondo, Yena Morera. Président Zafo, les patrons des patrons Nervins. PDG, Zete, Zavantunga, Nakatsemato. Elle fait les Katangé, Papi Kouba, Chahid Alarose, Denis Fataki, Prof. Papa, Nigerange, Motomayele. Honorable Timothée Chimanga, Maître Mefita. Banaropo qui pointe à Banaropo Mandela. À la guerre de 100 ans, Japon et Koyate, Beikanto Mawadro. Chico Luanda, Badivé Foulambongo, Watunda maître chorégraphe. Guy Jabron, l'ambassadeur.